vague la vie, style polyvalent. Yo baton ça, non? Ouais, pis gros méchanceté là, mon café. Il faut vraiment mon petit pari, mais on. Yeah. Mes maladies d'amour sont maladies de la jeunesse. Yeah. Mais son folie caresse qui mettait tout le monde en détresse. L'amour, ça c'est un crayon sans gomme. Et chapitre qui pas qu'à effacer. Si l'amour t'es malin, c'est pas des maths qui t'a quitté. Sous boum, tellement souffri dans l'amour. Des fois, moi, mais yo, par même. Pigo des chances de l'amour qu'a fait. Il faut aimer un monde qui paraît. Qui paraît même. Pigo des chances de l'amour qu'a fait. Il faut d'amour un monde qui pas d'amour. Wap bourriqué, wap travaillé. Pourtant c'est où que même c'est pali. Tout ta fenêtre fin passe dans le lit. Pourtant c'est où que même j'y dans l'ennemi. Pour aimer, faut gain gain. Quand courbe les jeunes. Pour d'amour, faut gain fiel. Parce qu'il baille la peine. Sous femme crier, ou avien yon l'autre faut crier. Sous femme passe misère. D'amour yon moun ki pa d'amour. Wap bourrique, wap travaille. Pourtant c'est ou kremel, c'est pali. Tout ta fenêtre fin passe dans le lit. Pourtant c'est ou kremel, c'est pali. Chérie, signal l'amour nous fait bruit là. Y'a l'aigle toi pour sou wifi ya. Koun ya moun vin plus pa kakou pour sac l'amour. Chérie, yon même sou kèl, yon même nan poche mwen. L'autre l'amour des sacrifices, pour y'a tout nos biscuits. Off me, help me. Dans vie pour moi, v'lais rentrer, bébé, ouvri porte là pour moi. Si viens les map marcher sous moi, l'autre fois m'a fait coup d'ouette. Yo lagué jog sous moi, les yo évoué au pape fond bec. On oublie tout ça qui passe, l'offre pour la pape passe. Je le collé, le pape cassé. Nous pour le faire l'offre sérieux parce qu'il collé à cracher. De l'offre là, ma palori, hein, ma palori. Sous femme d'amour qui t'aime chaque côté, je nous map calori. Côté, je nous map calori. Pigou méchanceté l'amour qu'a fait. Il faut aimer yon moun qui paraît. Qui paraît même. Pigou méchanceté l'amour qu'a fait. Il faut d'amour yon moun qui pas d'amour. Wap bourrique, wap travaille. Pourtant c'est ou kremel, c'est pali. Tout ta fenêtre fin passe dans le lit. Pourtant c'est ou kremel, c'est pali. Pigou méchanceté l'amour qu'a fait. Pigou méchanceté l'amour qu'a fait. Qu'a fait. Ils sont passage obligé, ils sont passage obligé pour aimer. Oh oh oh oh. Pigo méchanceté, l'amour qu'a fait. C'est plus bon bagay qui existe. Parfois tout le monde fait méchanceté. Pigo méchanceté, l'amour qu'a fait. Elle faut aimer au monde qui pas aimer. Vague la vie, style polyvalent. Abonnez-vous. Yeah!